3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. C'est bientôt la reprise, c'est bientôt la rentrée, c'est l'épisode des previews. Aujourd'hui, je suis avec un invité d'honneur, quelqu'un que les adhérents historiques de Knicks Nation France connaissent plutôt bien, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux pour l'animation de tout un tas de contenus de NBA, NBA avec un H. Alex, salut Alex, comment vas-tu ? Salut, salut, ça va très bien. On est prêt à enchaîner là. La présentation est bonne, il n'y a pas de nouvelle casquette à ton actif. On est passé HBA France, c'est plus NBA. HBA. Exactement, voilà. Pour le côté international, on peut te retrouver sur tout un tas de réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Principalement YouTube, Instagram, après... Twitch, voilà, Instagram. Principalement Instagram, là, à l'heure actuelle, au Momentum... C'est sur Instagram. C'est sur Instagram. Principalement qu'on te retrouve. Il y a des codes promo, il y a des influenceurs, il y a des voyages à Dubaï, il y a des comptes CPF, il y a tout quoi. On est bon dans le trêve de plaisanterie. Trêve de plaisanterie. Non, on est sur du sérieux. On parle basket et donc on va parler Knicks tous les deux. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à dire, surtout à l'approche de ce début de saison. Et puis j'ai envie de dire, restez jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'il y a une grosse annonce, mais vraiment une grosse annonce qui va être faite en fin de vidéo. Donc voilà, il va falloir rester jusqu'au bout. Allez, on perd pas plus de temps, on balance le jingle et puis on parle des petites pépites de petite actualité Knicks. C'est parti ? Let's go. Allez, c'est parti. Alors, dans les Orange and Blue, il y a du Blue. Dans Knicks Nation France, il y a France. Et dans tout ça, on retrouve un certain Evan Fournier. Evan Fournier qui a une actualité plutôt présente sur les terrains de basket, sur l'Eurobasket. Parce que le Evan Fournier était capitaine de l'équipe de France. Alors, à vrai dire, je crois que c'était co-capitaine avec un certain Rudy Gobert. Mais bon, on va surtout retenir, nous, notre Vavan, notre Mort Champagne, qui finit médaille d'argent. Sur cette compétition, ils auraient aimé l'or, ils auraient aimé, on aurait tous aimé battre l'Espagne, ces sataniers espagnols, en finale de l'Eurobasket, mais une fois de plus, c'est l'Espagne qui a gagné. Alors qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette Eurobasket ? Ça nous a fait vibrer, mais... Déjà, tu parles en franco-espagnol, donc attention. Non, hormis ça, l'Euro, cette blague, l'argent inespéré, bon, après on prend, hein, on va pas... On prend fort, hein, mais que de surprises. Et que de surprises. Des matchs très disputés avec du rebondissement. On pouvait même se croire par moments dans des matchs des Knicks, parce qu'il y avait des troisièmes cartons qui étaient, on va le dire, comme dirait un certain Julien, dégueulasses. des troisièmes cartons dégueulasses. Et c'était pareil pour l'équipe de France. Donc je ne sais pas si c'est Evan qui diffuse ces mauvaises ondes au niveau de l'équipe. Bonne au final, hein, parce que ça chope l'argent. Donc si tu me dis les Knicks, on termine en finale NBA, je prends quand même si c'est dégueulasse, attention. Ah, on prend. Mais des fois, il faut savoir gagner des matchs, même de façon pas propre, hein, dégueulasse. A win is a win. Bon, on n'a pas à rougir de cette médaille d'argent. Hein. Oui, le parcours était différent sur les phases éliminatoires. On aurait pu affronter la Slovénie, la Serbie. Bah non. Mais c'est pas grave, arriver en finale, c'est déjà un beau résultat. Et puis Evan Fournier, à titre individuel, bon, ça a un peu été les montagnes russes. Il nous a fait du bon et du moins bon. Bon, on a retrouvé un peu le Evan Fournier, plus effacé, plus joueur d'équipe et plus shooter à 3 points. Je peux t'apporter des petites précisions, tu connais mon côté statman. Forcément, bien sûr. Et ben Evan, pendant cet Euro, il a été meilleur qu'Onyx, mais dans un certain secteur, notamment au scoring. 15,3 points pour lui pour cette compétition européenne, et 14 points avec les Knicks de moyenne. Et voilà, après, on est sur les mêmes bases de rebonds passes, même s'il est un peu plus passeur en EDF. Mais par contre, pourcentage au tir, ça reste pareil. Mais par contre, à 3 points, Autant il est bon au Knicks, autant avec l'équipe de France, un peu moins. Ouais, Et ouais. c'est pas le haut du panier en termes de qualité. C'était peut-être du 3 points forcé, là où à New York, il y a peut-être un peu plus du 3 points libéré. Bon. Après, on est aussi sur un range plus court, sur un championnat d'Europe. On n'est pas à un niveau de forme non plus comme sur une saison NBA. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Les défenses ne sont pas les mêmes. Le temps de jeu non plus n'est pas le même. Mais en tout cas, oui, effectivement, on a trouvé un Evan Fournier qui finit tout de même meilleur scoreur de l'équipe de France. Alors, il y a beaucoup de gens qui, après la finale, ont dit ouais, Vincent Collet, Rudy Gobert, Evan, tout ça. Il y a plein de joueurs qui n'étaient pas au niveau attendu. Beaucoup attendaient un Evan Fournier peut-être à 20 points, même plus. Non, c'est plus trop ça, Evan Fournier, même s'il est capable de certains flashs sur certains matchs. Mais c'était voilà. L'équipe de France, c'est aussi un peu plus collectif et on ne brille pas par un one-man show comme d'autres sélections. Quoi. Non, mais on l'a cloisonné. Après, il faut se dire aussi qu'au Knicks, on lui a donné un rôle bien précis, trop précis. Et du coup, le Evan qu'on a peut-être vu avant n'est peut-être plus le même. Tout ça, il vieillit aussi. Puis on a vu l'émergence de Yabou Zélé, Hurtel, bon, qui va vers d'autres horizons un peu plus politiques. On ne voilà. s'attendra pas, mais Mais c'est bien, parce qu'en France, on a plein de choses. Et puis, c'est pas fini, parce qu'il va y avoir du monde qui va arriver, hein, notamment sous le panneau pour sortir Gobert de la rotation offensive. Parce que c'est pas beau ça non plus, mais bon, bref. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu dans la rotation offensive. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Rudy. Rudy, c'est maintenant non plus un mormon, mais quelqu'un de la région des Lacs, du Minnesota. Et voilà, dernier. Mais bon, effectivement, il y a eu pas mal de critiques. On ne sait pas s'il ressort plus fort de cet Euro. Il risque d'être un peu fatigué. Il était déjà un peu, pas forcément dans un grand état de forme au démarrage de la compétition. À voir comment il rattaque le training camp. Et puis dans cet Euro, bah on a pu voir un autre futur Knicks peut-être, je sais pas, qu'on a pu affronter par une fois en match de poule, c'est Rokas Jokubaitis. Alors voilà, je me suis bien entraîné pour répéter son nom et son prénom, le petit lituanien. Voilà, qui a montré des choses sympathiques, même si pas non plus de quoi apporter son équipe vers la victoire. C'est une compétition qui s'est arrêtée très tôt et qui a été compliquée pour la Lituanie, qui est en phase de transition aussi avec différentes générations. On a vu du Ignas Brasdeikis, un ancien de la maison qui t'est cher, Alex. Bien sûr, bien sûr, un vrai. Son jersey aujourd'hui, mais il a été plutôt bon dans cet Euro, il faut le dire. Mais il est bon, Brasdeikis. C'est juste que nous, on ne peut pas donner la chance aux gens. C'est comme Kuzminskas, tu vois. C'est pareil. Il y avait des choses à faire. Des Lituaniens qui ont rebondi ailleurs. Brasdeikis qui était passé par le Orlando Magic et qui finalement, l'aventure au Orlando Magic n'aura pas duré bien longtemps, une saison et demie à peine. Et il va se réengager sur l'Europe maintenant. Donc retour sur le continent européen et on lui souhaite tout plein de réussite. C'est Kaunas. Le club qui va rejoindre. Donc, si on dit en français, c'est une autre prononciation, mais il retourne en Lituanie. Voilà. Écoute, bonne chance à lui. Et puis voilà, le basket ne s'arrête pas qu'à la NBA. C'est un domaine très compétitif. Il y a beaucoup de joueurs à vouloir faire leur place. Certains arrivent à rentrer, mais durer, c'est une autre affaire. Et du coup, on en vient tout de suite un petit peu à l'effectif qu'on va pouvoir retrouver à New York. Et tout un tas de signatures sur ces derniers jours. Alors des signatures, et puis déjà aussi des joueurs qui sont partis. Hein. Ça va très vite. Le training camp, on risque d'avoir des noms un jour, et puis le lendemain, ils ont déjà fait leur valise. Donc attendez à être alerte au niveau des notifications. Donc on a le retour de Ryan Arcidiacono. On a Daquan Jeffries, je ne sais pas comment on le prononce. Et on a, j'en oublie un, Zviu, à toi de finir là. Zbi Mikhailiuk. Voilà, un Ukrainien. Oui, Ukrainien, donc on sera solidaire avec lui. C'est peut-être voilà, une signature politique, j'espère pas. Qui viennent compléter l'effectif. Il y a eu du MJ Walker, il y a eu un autre Rose qui est arrivé, mais ça, c'est déjà coupé. Donc d'ici quelques semaines, voilà, on va avoir pas mal de joueurs à passer pour le training camp. Il y aura peut-être des joueurs pour le Media Day qui vont faire leurs petites photos avec le maillot. Et puis, au lancement de la saison, ils seront déjà partis, quoi. On les ressortira voilà, les photos. Les petits random players habituels, n'hésitez pas si vous voulez faire floquer des maillots aux joueurs, à votre joueur préféré, ça peut aller très vite. Mais en tout cas, Ryan Arcidiacono, qui était présent en fin de saison, bon, on l'a pas trop vu jouer, hein, plutôt poste de meneur, Et ben, il va retrouver un compère au Knicks, il va retrouver Jalen Brunson, puisqu'ils étaient tous les deux voilà, dans la même fac à Villanova, et ils ont gagné des titres ensemble, enfin au moins un. Je sais que Jalen Brunson en a gagné deux, j'avoue que je ne sais plus si Ryan était des deux campagnes victorieuses. Mais est-ce que c'est une signature politique? Est-ce que c'est pour faire copain-copain? Ou est-ce que voilà, c'est juste pour faire un sparring partner pour la fin du training camp? Affaire à suivre. On aime bien le Ryan, mais... pas de là non plus ouais, à c'est fou. enflammer les foules. Hein. Moi j'ai bien aimé ce. Il a fait quoi? Il a fait que 10 matchs là l'année dernière. Bon, avec Ouais. 7 minutes de moyenne. J'ai sorti les stats, hein. Attention. C'est pas C'est foufou, incroyable. mais c'était Ouais, ça propre. C'était suffit propre. dans un effectif en dèche de meneur. Hein. Bah écoute, ça a montré des petites choses. Après, on va voir. Mais il revenait de blessure, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc du coup, bon, il a signé, mais il n'a pas tout de suite été apte à jouer. Donc c'était des contrats qui ont été Toujours compliqué, ouais. renouvelés. Et puis bon, Toujours c'est compliqué compliqué, mais d'arriver en mars hors rythme dans c'est des gens ça. où on sait quoi. Et puis sur une saison où on n'a pas tanké, hein, on peut pas dire qu'on est tanké la saison dernière. Ouais, Donc les joueurs qui sont arrivés en fin d'exercice, bah ils n'ont pas eu non plus cette opportunité d'avoir du temps de jeu pour aider l'équipe à perdre. C'est bizarre de dire ça, mais donc du coup non, il était là, mais plus pour les entraînements qu'autre chose. En tout cas, tout ça va faire que dans quelques jours, à la fin du mois de septembre, on va arriver sur les étapes de training camp et de media day. Donc les Knicks, on va en entendre parler, on aura des petites photos sympas, des petites vidéos sympas, des interviews, et puis bah, ça va pas tarder. Hein. Les interviews, on les a déjà eues. Ça commence pour les nouvelles signatures, pour les prolongations, et puis bah en ce début de saison, enfin à l'approche de ce début de saison, on regarde un petit peu du côté de Cleveland quand même. Et il y a eu ce fameux Donovan Mitchell qui a eu sa petite conférence de presse face aux médias, lui. Hein. À New York, on n'invite pas forcément les médias parce qu'on n'aime pas trop les questions qui dérangent. Mais à Cleveland, bon, il n'y a pas eu de problème, ils ont invité les médias. Et puis bah, Donovan Mitchell s'est exprimé, puisqu'on lui a posé la question, de savoir si il pensait qu'être. Enfin, arrivé aux Knicks cet été. Dans le cadre du trade dont on a parlé pendant des mois et des mois, et ben il s'est livré relativement sans langue de bois et il nous a dit qu'effectivement il pensait que c'était très proche de se faire et qu'il se voyait arriver à New York et aux Knicks et qui n'aimerait pas jouer au Madison Square Garden. Donc ça c'était l'épisode, la saga de l'été, et donc il a bien confirmé que c'était vraiment proche de se faire. Toi Alex, on n'a pas eu l'occasion de t'entendre sur ces antennes de KNF TV. T'étais pour un trade de Donovan Mitchell ou t'étais archi contre? Plutôt T'as deux contre. minutes. Plutôt contre. Non, bah, ça va être simple et efficace. Plutôt contre parce que dans l'idée, c'est sympa de ramener un gars qui a montré des choses au jazz. Sauf qu'on se rend compte que bah, le gars, bon, déjà, c'est un croqueur, quoi. C'est-à-dire que le jazz, c'était Rudy et Donovan Mitchell. Le jazz sans l'un des deux, c'est plus le jazz. Et puis Quinn Snyder, ça a été une tactique, une technique. Et c'était de l'ISO, quoi. Donc de l'ISO à gogo, super, mais Onyx, je vois pas l'intérêt. Surtout qu'on a déjà plein de personnes qui prennent des shoots, qui font les choix de prendre des initiatives parfois douteuses. Donc je suis pas certain que Donovan Mitchell aurait EP le truc. Et puis ça aurait fait encore un poste 2, 3, 1, on sait pas. Dans le nombre, ça aurait fait encore beaucoup trop. Et puis contre qui, contre quoi? C'était toujours Contre la qui? même chose. Contre beaucoup de choses. Il y avait des packages effectivement assez hallucinants en termes de nombre de joueurs, de picks et tout. Le Jazz a RJ refusé Barrett Barrett, hein. Ouais, c'est ça, était dans hein. la balance. Ouais, Danny Voilà. Ainge a préféré l'offre de Cleveland à la fin. Bon, voilà. Peut-être qu'il ne voulait tout simplement pas envoyer Donovan Mitchell chez lui. On peut voir aussi que Rudy Gobert, il n'est pas parti dans l'Arizona ou autre. Donc voilà, il y avait peut-être d'autres destinations. Et finalement, bon, ces joueurs ne sont pas si malheureux par rapport à leur nouvelle destination. Mais il ne les a pas envoyés non plus là où il voulait, ce Danny Ainge. Donc il y avait peut-être un peu un jeu de poker menteur et une volonté d'avoir le dernier mot sur cette discussion, ce Ah, trade. nous, on est bien dans les poker menteurs, on est bien en figure bon. Mais voilà, ça c'est pas fait, on en a beaucoup parlé cet été, peut-être qu'on en reparlera encore dans le courant de la saison, quand il y aura les affiches Knicks-Cavs, voilà, si Donovan Mitchell est All-Star et pas RJ Barrett. Voilà, c'est des choses qui feront encore discuter, je pense, pendant un petit moment, et puis bon, on verra de quoi l'avenir est fait, Donovan Mitchell sera bien agent libre à un moment donné. Ouais, on devra Allez, miser sur rendez-vous dans quelqu'un 2-3 d'autre. ans. C'est ça, c'est ça. Et puis voilà, donc bon, concentrons-nous sur Onyx. Il y a RJ Barrett qui a été prolongé et qui maintenant a tout simplement ni plus ni moins que les honneurs de la franchise pour la communication, pour être mis en avant, pour incarner peut-être le futur. Et le futur est le présent de cette franchise. Donc on l'a vu dans des petits moments médias, mais médias MSG, hein, pas les médias new-yorkais traditionnels. Donc ça fait grincer les dents. Il n'y a pas eu des questions qui fâchent. Il n'y a pas eu des questions. Dis donc, Donovan, vous n'auriez pas parti contre Donovan? Vous auriez pensé jouer avec Donovan? Il n'y a pas eu ces questions un petit peu pièges. Chatouillantes. Chatouillante. Concentrons-nous sur sa saison, voir ce qu'il va devenir. Est-ce qu'il va passer un cap ou pas? Est-ce que ça va être lui le leader? On va avoir l'occasion d'en parler. La saison dernière, il a montré de belles choses. Est-ce que maintenant, après une belle signature et un contrat qui va débuter à la fin de la saison prochaine, on le rappelle, est-ce qu'il va avoir plus des clés en main? C'est un des enjeux, une des questions de cette saison. En tout cas, il est ces derniers temps plutôt mis en avant dans la sphère médiatique. On l'a vu également faire un événement avec Puma et sortir un pro modèle au niveau de ses shoes. Voilà, il y a une cote qui commence à monter de plus en plus sur RG. Donc ça, c'est bien pour la hype, pour le marketing. À voir si ça assure sur le terrain. Oui, le joueur, oui, on voit qu'il évolue au fil du temps et plutôt bien parce que ça se transforme pas en fail, même s'il y a eu des séquences un petit peu bizarres l'année dernière. On a vu que c'était quand même progressif et puis bon, y a d'autres personnes qui gênent à la progression, hein, en interne, en externe. Bon, bref, on reviendra par rapport à ça. Enfin, on reparlera de ça plus tard. Mais qu'est-ce que je veux dire? Le signe est intéressant. Le rookie, on le prolonge. Ça fait combien de temps qu'on n'avait pas fait ça à New York? Déjà, c'est beau. Ça fait un bon moment. On dans a un petit foulée... papier sur le blog. Hein. On fait de l'autopromo, on placement de produits KNF. Mais effectivement, c'est Charlie Ward, c'est éventuellement David Lee qui avait été prolongé une saison. Mais ça fait vraiment un paquet d'années qu'un rookie n'avait pas été prolongé. Après, quand on regarde dans le rétro et qu'on regarde les rookies en question... On peut se dire qu'on avait raison de ne pas prolonger certains rookies parce que voilà, il n'y avait pas forcément matière. Et leur suite de carrière n'a pas non plus montré des joueurs exceptionnels. Mais effectivement, il y a un changement dans la stratégie. On fait confiance, on mise sur l'avenir, sur la jeunesse, et à la fois sur de la continuité. Donc c'est plutôt intéressant là-dessus, quoi. Puis RG, c'est quand même un gars qui semble avoir la tête sur les épaules, quoi. Ouais, mais tu vois, dans la foulée, on fait quoi? On fout dans des rumeurs pour Donovan Mitchell. Ah là là. Ça, c'est... Est-ce qu'il y avait... Effectivement, c'est là-dessus où c'est un petit peu. Donc, tu vois, tu donnes confiance au joueur. Et ouais, derrière, tu fais. Alors, vas-y, tiens, on te donne un contrat, mais. Avant, mais on ne sait pas. On te donne un contrat, mais tu peux peut-être partir contre un gars peut-être plus hype que toi. Donc, ça la fout un peu mal. Je t'avoue, j'étais mal à l'aise par rapport à ça et par rapport à Edgy Barrett, parce qu'il y avait d'autres joueurs à liquider avant lui, hein, notamment. Mais bon, après, la contrepartie était ça. Mais bon, ça, c'est pas fait. Tant mieux, c'est parfait. On repart sur de nouvelles bases. Et j'espère que le Canadien va prendre ce lead dans cette équipe, parce qu'il faut quelqu'un, là. C'est plus possible. Tout à fait. Et il en a l'envie. Il en a l'envie en tout cas. Est-ce qu'il en a les épaules? Ça, on va voir. Il est pas mal décrié en disant non, c'est pas un franchise player. Non, c'est pas une option 1. C'est éventuellement une option 2-3 dans une équipe qui joue le titre. Bon, calmons-nous. Les Knicks, ça joue pas le titre tout de suite. Donc il peut encore progresser. Il peut avoir ses responsabilités. Puis on verra quand on jouera le titre à quel niveau on le place. Mais moi, je vois un petit peu du Jimmy Butler, un petit peu dans la suite de cette carrière de RG, à voir si ça me donne raison ou pas. Il n'est pas aussi fort défensivement, il n'a pas le même parcours pour le moment, mais c'est un joueur qui a montré une progression, pour l'instant, qui est un petit peu chapeauté par Tom Thibodeau. Donc, bon, à voir. En tout cas, il y a des échéances à venir pour RG Barrett. Et est-ce qu'on parlera de All-Star cette saison? Il va falloir voter pour envoyer RG au All-Star Game à Utah. Enfin, à Utah, à Salt Lake City. Donc ça, c'est marrant aussi, un peu le coup du destin. Je ne suis pas sûr que le Jazz envoie beaucoup de All-Star dans leur propre All-Star Game cette année. Mais ça sera à voir. Ça sera à voir. Parce que du coup, la saison dernière, les Knicks, tu nous as partagé pas mal de stats, Alex, sur la saison passée. Bon, C'est hein, l'heure pas des trop camemberts, s'étendre, mais toi tu aimes les chiffres, c'est l'heure des camemberts, hein, ça sent le camembert. c'est Il ça? y a eu du bon et du moins bon, il y a eu des choses qu'on peut décortiquer, il y a eu des joueurs qui sont passés au travers. Moi j'ai eu l'occasion de faire un petit débrief sur le live Twitch de TBA, sur Twitch tout simplement. Le replay va être accessible sous peu, enfin à l'heure où on enregistre cette vidéo, il n'est pas encore accessible, mais quand on va sortir cette vidéo, il le sera. Donc si vous voulez voir ma review et ma preview de la saison d'Enix, on vous redirigera sur TBA, TBA pour les francophones. Mais toi, Alex, qu'est-ce que tu as pensé de la saison dernière qui était compliquée, qui n'a pas répondu aux objectifs? Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut tirer, qu'est-ce qu'on peut garder en tête par rapport à la saison dernière avant de se projeter sur la saison prochaine? Bah, encore une belle déception, n'est-ce pas? Alors qu'on avait fait le bilan en mi-saison, il me semble, ensemble avec le podcast. Sur le podcast. Ouais. Bah On y croyait écoute. encore, on se disait qu'il y avait peut-être moyen d'accrocher les play-in. Bon, après, ça s'est fait de peu, hein. La non-accession au play-in, bien évidemment, à 5-6 victoires près, mais si on avait gagné contre ce foutu Magic dès le début de saison, on n'aurait pas eu ce problème. Bref, nouvelle saison, nouveaux objectifs. Non, petite déception, bah, clairement. Après, co comment te dire? Comment te dire ça? Moi, j'ai fait, donc j'ai regardé la saison, hein, du plus que j'ai pu, mais d'un point de vue global aussi. Et clairement, on n'a pas été au rendez-vous. Donc voilà. Après, au niveau des stats, c'est voyant, c'est clairvoyant, c'est qu'on a laissé les clés à des mecs qui étaient en sortie de banc. Parce que on a eu des blessures, il y a eu Rose, bon voilà, Randle il était pas dedans, mais il est resté quand même Randle, et on voit Barrett derrière qui est en second, mais il ose pas, il ose par-ci, par-là, parfois. Quickly il pète, et Van Fournier il est bien, mais que dans un secteur. Et puis derrière, derrière c'est un peu le bordel quoi. Et c'est pas cadré, la défense devient bonne, mais en fin de saison. Et Ouais, je sais pas si t'as on a les. un peu régressé en défense, enfin régressé, rétrogradé par rapport aux franchises NBA. Là où on était plutôt dans le top des défenses sur le podium la saison précédente, là on est redescendu aux alentours de la 10e, 11e place. Non, Il y a du moins bien. sixième en défense. Hein. On était l'année dernière Ça et dépend par contre. quel stat, quel indicateur on Là, considère, mais voilà, en tout cas on a rétrogradé par rapport à la saison d'avant. je te parle en points encaissés. Donc Ouais. voilà, c'est pas révélateur, mais effectivement. Après, il y a les stats et le réel. Hein. On peut faire une corrélation, mais c'est pas une vérité non plus. Ça, j'en suis totalement conscient. Mais on voit par rapport aux autres équipes que ouais, effectivement, la défense, elle n'était pas ouf non plus. Mais on est quand même sixième défense. Par contre, on est 26e attaque, voilà. Nombre de tirs pris, on est 24e, donc ça veut dire que on tente pas. Donc forcément, tu tentes pas, ça rentre pas. Rebond 4e, merci Robinson qui sait faire que ça. Et Ah, c'est déjà ça, c'est déjà ça. à la passe 30e, tu te rends compte qu'on est pire que le Utah Jazz qui doit être 29e et tout ça, donc c'est grave. Où on avait un sacré croqueur qui s'appelle Donovan Mitchell, quoi. Donc c'est Et dire, non, c'est dire, c'est dire si le jeu n'est pas fluide et si on avait un problème à la main la saison passée, quoi. ça reflète ça clairement, problème à la main, et ça, je l'ai enfin, moi personnellement, je l'ai toujours dit dans quelconques interventions qu'on avait. Derrick Rose, ça suffit pas, et on l'a vu l'année dernière parce qu'on tournait autour de joueurs, c'était Burks quoi. Burks, il est même plus là, C'était Burks. donc voilà, et Bon, c'est flagrant. Hein. il a été utilisé en fin de saison, sur une grosse partie de la fin de saison à contre-emploi. Derrick Rose, il a rapidement été absent à partir du mois de décembre, et après on l'a plus revu. Donc c'est vrai que ça a été une situation, une saison compliquée, et on n'a pas tout compris les choix de Thibodeau. Pourquoi ne pas responsabiliser plutôt Emmanuel Quickley, qui a fini Ouais. plutôt en trombe sur la fin de saison et qui a montré de belles choses, même au poste 1. Même si on se dit, ah, c'est pas vraiment un poste 1, et il a pu finir sur des triples-doubles. Donc c'est quand même qu'il est capable de trouver ses coéquipiers. Et c'est vrai que ça a été un peu le fil rouge sur la saison, cette problématique au poste 1. Ça, plus les coups de spleen en permanence de Julius Randle. Mais bon, on va pas faire un épisode que sur ça. En tout Non, cas, mais ça, voilà, donc c'était la saison passée. ouais, c'est C'était la ça. saison passée et ça appartient au passé. Il va falloir corriger des choses, revenir plus fort. Il y a eu des signatures cet été. Il va y avoir un nouveau roster et des nouvelles rotations à imaginer, à travailler. Et moi, je te propose qu'on se projette par rapport à ça. Vas-y, je On t'en y va? prie. Allez, let's On se go. projette, on essaye de voir qui pourrait faire un petit starting five, tout ça, quelles pourraient être les rotations. On va se mettre un petit peu dans la peau de Thibodeau. Alors, avec quelques kilos en moins, une barbe différente, Des cheveux en plus. quelques cheveux en plus pour ceux qui restent, et puis bah, moins d'aptitude de coaching, on va pas se mentir, mais on va essayer de suggérer quelques petits choix à Tom Thibodeau. C'est parti? Écoute, Allez, on se vas-y. projette sur l'avenir et sur ce qui arrive pour les Knicks dans la seconde partie de l'émission. C'est parti. Alors, la saison prochaine, bah déjà, on va peut-être rappeler le calendrier, parce que là, début octobre, c'est parti, on attaque la pré-saison avec premier match, allez, easy, facile. Lui, il est en déplacement, non, il est à la maison, il est contre le Détroit, les Detroit Pistons. Donc, on va retrouver le Kevin Knox, tout, on va retrouver Alec Burks, on va retrouver Nerlens Noel, peut-être, qui d'autre, Kemba Walker, non, Jaden Ivey, qu'on voulait drafter, mais qu'on n'a pas pu, parce que, voilà, les autres franchises ne voulaient pas faire un deal avec nous. On va retrouver normalement tout ce beau monde pour lancer la pré-saison. Je ne sais pas avec quel Knicks, on va en parler, mais ça, c'est le calendrier. Puis après, Indiana, le 7 octobre. Donc deux matchs en pré-saison qui semblent être à la portée des Knicks. Hein. Puis encore une fois, Indiana, mais à Indiana. Et enfin, pour finir, parce qu'il y a quatre matchs de pré-saison et le quatrième se termine le 14 octobre, pour la réception de Washington. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver? Cette grande saucisse, cette grande licorne de Kristaps Porzingis? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va retrouver monsieur j'ai des pulls trop longs Kyle Kuzma, cherchez son nom. On verra, mais en tout cas, c'est les Wizards qui sont au programme de cette dernière affiche de pré-saison. Donc, quatre matchs normalement qui sont à la portée des Knicks pour se mettre moralement Ouais, bien ou avant pas. d'attaquer les grandes choses, quoi. Ou pas. Grandes échéances. L'année dernière, on avait gagné nos quatre matchs. Hein. On avait, Ah je crois, aussi joué contre Washington. oui. Ça avait permis de pas trop mal débuter la saison régulière, mais bon, vite fait, c'est parti en cacahuète. Tu le sens bien, toi, cette pré-saison, quand même? Ça vaut ce Bon, que ça vaut, les matchs de pré-saison, mais... après la pré-saison, c'est la pré-saison. Moi, je t'avoue, j'y prête pas spécialement attention. C'est intéressant pour voir comment sont intégrées les nouvelles recrues, mais bon, derrière, pas de déduction. Pas de conclusion hâtive sur une Ouais, pré-saison, ça. plus créer un début d'alchimie sur le terrain. Le training camp, c'est sympa, et ça fait partie du training camp puisqu'il s'entraîne entre ces différents matchs. Allez, maintenant, c'est parti, on va parler de quoi? Eh ben, des starting five qu'on projette. Starting five, on va d'abord parler des starting five seconde unit. Alors, Alex, paf, je balance ta Ouf. proposition. Direct Attention, comme ça donc il va y avoir deux propositions. Enfin, deux propositions. Il va y avoir les miennes, hein, by Joanie, vous verrez, le visuel est différent. Et puis celle d'Alex, celle de HBA, tu veux plus qu'on appelle ça NBA, mais HBA, Vas-y, les deux, t'as connu HPA. les deux, tu peux faire les deux. Ouais, je suis un ancien, je suis un OG. Et donc, dans ton starting five, voilà, petite proposition par Alex. Bon, voilà, je te laisse annoncer, puis expliquer pourquoi ce starting five? Donc ce starting five, donc là on est bien évidemment sur le starting five, parce que moi j'ai une variante, hein. On est sur Je lequel? vais la présenter, la variante après, Ouais, mais vas-y. voilà, celui que tu voudrais voir, ton starting five, celui que tu aimerais, voilà, avec qui en meneur, qui en backup, qui en ailier, qui en point forward, qui en pivot. Waouh, qui en pivot. Ça va faire parler ce starting Ah, five. mais bien évidemment, c'est pour ça que je le mets en avant. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Là-dessus, on est là pour innover, on est là pour faire des choses intéressantes. Et donc là, tu es sur le team possible, on est d'accord. Sur le team possible, oui. Alors moi j'ai, alors dans le visuel j'ai du Jalen Brunson en poste de meneur, Ah, du voilà. Emmanuel Quickley en second, du Ouais. RJ Barrett en poste 3, Cam Reddish en poste 4 Eh ben, et c'est là où. Julius Randle Mais en non, poste 5. c'est là où C'est l'autre? l'innovation n'est pas aboutie. Non, mais c'est que du coup, RJ Barrett, j'ai envie de le mettre en 4, tout simplement. T'as envie de le mettre? Waouh! Et oui, on est là pour oser parce que, oh magie, on a recruté un meneur. Donc, on va voir ce que ça va donner en la personne de Jalen Brunson. Le souci avec Jalen Brunson, Le ou fiston. Brunson, comme vous voulez, des Brunson, ou je sais pas, on verra comment Comment il faut bien le prononcer? Ouais, le souci, c'est que l'année dernière, c'est pas un souci en soi. Le joueur était plutôt habile sur deux postes parce qu'il a joué la moitié de la saison meneur derrière Lucas et la moitié de la saison arrière. Donc, C'est un combo, hein, même s'il n'est pas très grand, voilà, il est. Dès même. lors que tu as un meneur qui score, on dit que c'est un combo, quoi. Alors, c'est bien parce que du coup, il a pu faire beaucoup de choses. Il défend un peu, il fait de la passe, il peut scorer. Moi, j'ai aucun souci là-dessus. Maintenant, les postes 1 et 2, on peut les mélanger. Ça fait des trucs jolis ou pas. De toute façon, on va le voir avec d'autres équipes, notamment Atlanta. Enfin bon, bref, ça va être plutôt intéressant. Ce gars-là, déjà, il va sécuriser au moins pour moi le poste 1. Et en tout cas, j'espère. Si c'est pas le cas, c'est vraiment inquiétant. Mais bon. Aujourd'hui, c'est pas un meneur passeur, hein, c'est plutôt un meneur scoreur. Par contre, il a très peu de pertes de balles. Là-dessus, il est voilà, à moins de pertes de balles et c'est très bien. Donc ça veut dire que dans sa prise d'initiative, dans la façon dont il peut distribuer le jeu avec les joueurs qu'il a à disposition à côté, donc ce qu'il avait à Dallas n'est pas ce qu'il aura à ses côtés à New York. Bien Même sûr. si ton starting five, je ne suis pas persuadé que ce soit celui qu'on voit, mais bon, admettons. En tout cas, voilà, il aura des joueurs avec qui jouer qui seront voilà, sur lesquels il devra pouvoir compter, devra pouvoir distribuer le ballon. Donc un joueur qui sait conserver le ballon, c'est plutôt intéressant quand même. C'est plutôt Ben, intéressant. c'est Conserver le surtout. ballon et ne pas le perdre, j'entends par là, conserver, éviter les turnovers en pagaille, quoi. C'est ça, puis je suis désolé, c'est surtout le contrat. Si on prend pour qu'il sur le banc ou qu'il soit en deux, Non, non, derrière, non. ça décale tout. Non. Moi, j'ai aucun intérêt. Enfin, moi, mon intérêt, il est réduit de fou si jamais il commence sur le banc ou s'il est en deux. Parce que pareil, en deux, après, qui tu mets, bon, bref, on va dérouler tout ça. Mais moi, ce que je vais trouver intéressant, c'est que logiquement, il va devoir prendre la place de Burks qu'on a perdu. Et en termes de contenu par rapport à l'année dernière, si on compare, alors le truc, c'est que Brunson, il prenait plus de tirs au Mavs. Il prenait 13 tirs de moyenne. Voire 14, mais à 50%. Notre ami Burks, il en prenait 10. Donc comment tu vas, pareil, échelonner ça dans un effectif? Parce que Brunson, il arrive avec un contrat, mais derrière, tu as déjà des joueurs comme Randle qui prennent 17 tirs, Barrett qui prennent 17 tirs, Fournier qui prennent 12 tirs, Ouais. Rose 10 tirs, et Kemba qui n'est plus là, il prenait 10 tirs aussi. Donc, Il va falloir arriver à répartir ses munitions. Tu c'est dis, il arrive ça. avec un contrat, puis il arrive avec son papa aussi, il arrive avec le daron. Ouais, c'est Donc, clairement ça, donc il va bien sûr. falloir quand même qu'il ait quelques munitions, le garçon. Ouais. Et même si en termes de stats, on n'attend pas forcément qu'il devienne la première option, qu'il cartonne à 25 points tous les soirs, mais il va quand même falloir qu'il montre qu'il est en capacité d'être à la hauteur de son contrat. Et voilà, C'est ça, ça. donc si c'est pas du scoring, ça va être de la gestion, effectivement, et comment ça va se mettre dans le collectif, c'est pas une simple addition. On va pas faire 17 plus 17 plus 13 plus machin plus 18. Donc il y aura forcément des gens où ils vont devoir atténuer leur truc, vu que lui c'est le nouveau venu, peut-être que ça va commencer par lui, et c'est là où je me dis, il y a peut-être une carte à jouer pour le mettre en poste 1 titulaire, et qui montre de quoi il est capable avec son cerveau d'abord, plutôt qu'avec ses mains et ses appuis. Voilà pour mon poste 1. Et donc à ses côtés, toi tu vois Quickley, IQ. Exactement. C'est une surprise. C'est une surprise. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens à le mettre starter. Mais ceci dit, on a Yann Begley, l'insider numéro 1 sur les Knicks, qui dit que, enfin qui rapporte ces derniers temps que le rôle de Quickley pourrait être vu à la hausse. Alors ça veut dire quoi être vu à la hausse, puisqu'il était plutôt considéré comme sixième homme ou quasi sixième homme avec Derrick Rose. Donc est-ce que c'est plus de temps de jeu? Est-ce que c'est vraiment un rôle installé de sixième homme? Ou est-ce que c'est se retrouver carrément dans le starting five? Et là, ça serait une belle petite surprise par rapport justement à la signature de Brunson. Si on n'avait pas signé Brunson, peut-être qu'il aurait pu avoir ce poste de meneur titulaire. Là, une association des deux dans le starting five, c'est une belle cote. C'est une belle cote dans ta Pour proposition. moi, ça peut être vraiment détonnant, et effectivement, Quickly a toujours joué, mais n'a jamais débuté les matchs. Effectivement, on doit être à 3 ou 4, 5 titus par saison depuis qu'il est là. Mais le C'est gars, peu, il fait hein. le C'est taf. peu. Donc, après, j'ai pas dit que j'allais le laisser 48 minutes sur le terrain, bien évidemment, c'est pas possible. Mais un petit pétard comme ça, là, au début, là, moi je suis désolé, le sixième homme, je vais le laisser à Derrick Rose, et je le laisse entièrement à Derrick Rose. Vous comprendrez pourquoi à la C'est suite pas avec ma ça. seconde unit. Et ouais, c'est clairement mon choix, parce que moi, pour moi, c'est le seul déjà qui. Alors, je vais poser les mots, qui les pose sur la table. Et ça, et c'est un des plus jeunes, et il l'a, alors, des fois à outrance. Il n'a pas froid aux yeux. Hein. Exactement. Il a pas froid aux yeux. Et on a clairement besoin de ça parce que dans une NBA qui devient prévisible, où les joueurs ils sont cantonnés à ci, à ça, où la NBA, il y a de moins en moins de défense, moi je me dis que Quickly, il a clairement une carte à jouer. Et si on ne lance pas maintenant, on ne lancera jamais. De toute façon, l'année dernière, on a tenté Burks. Cette année, on tente Quickly. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre, concrètement? On a tout à gagner. Voilà. Bon, j'aime bien Quickly. J'aurais bien aimé le voir responsabilisé au poste 1. On a signé Brunson, donc cette place revient à Brunson. Mais effectivement, beaucoup de gens s'inquiètent, discutent de la combinaison Evan Fournier-Brunson en termes de défense par rapport au backcourt. Si tu positionnes un Quickly, on est quand même sur un profil qui sait défendre, qui colle pas mal ses joueurs, qui est plutôt mobile, qui est aussi une menace à 3 points, qui a pas mal de qualité. Quickly, il arrive doucement mais sûrement vers la fin de son contrat rookie. Il aura encore la capacité d'être agent libre restreint, enfin voilà. Mais il va falloir effectivement à un moment donné lui donner aussi quelques garanties qu'on compte sur lui, et ça passe aussi par son temps de jeu en vue de le conserver et pas qu'il ait envie d'aller voir ailleurs pour avoir plus de temps, un rôle plus important. Donc, ouais, puis moi, j'aimerais le voir dans un registre beaucoup plus posé, lisse ou réfléchi, tu vois. Je pense qu'il y a quand même un potentiel et on sait de quoi il est capable, parce qu'à tout moment, le mec, il va te dégainer un truc à 12 mètres là et tu fais « Ah ouais, oh, trop bien !» Et si ça peut bon, ça fera, plus 15... Ça fera réagir, en tout cas, je pense, en commentaire. Ah. Les gens adorent ces mini-shorts, ces petites tresses. Mais dites-nous en commentaire de la vidéo si vous pensez que Quickly, ça peut être la surprise, finalement. Est-ce que ça peut être lui qui est titularisé, qui est le compagnon, qui apporte cette défense dans le backcourt, à côté de Brunson. On est curieux d'avoir vos avis. Alors, si on continue, ton front de courte, donc du coup, Cam Reddish en 3, RG en 4 et Julius Randle en 5. Bien sûr. Ça aussi, ça peut faire réagir. J'assume totalement. Cam Reddish, je vais me justifier, hein, bien évidemment. Cam Reddish, je suis en combat interne avec Evan Fournier. Voilà, parce que Evan, il a quand même sa place au Knicks. Faut pas oublier que c'était un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de l'année dernière au Knicks. Donc, meilleur joueur, je ne sais pas, mais en tout cas, il a été irréprochable sur l'attitude. Il s'est montré très pro, il a eu besoin d'un temps d'adaptation. Il nous a fait gagner des matchs contre les Celtics. Du coup, je suis clairement mitigé. Voilà, pour étayer mon propos, je suis clairement mitigé entre les deux. Donc, on peut switcher avec ma seconde unit pour ce poste-là entre Evan Fournier et Cam Reddish. Cam Reddish, on l'a pas vu, et bon, voilà, pour moi, un poste 3, ça doit tirer, ça doit défendre. Evan il tire, bon il défend moins. Cam Reddish il défend et on n'a pas trop eu l'occasion de le voir tirer ni jouer. Donc, il est arrivé en cours de saison, il a remplacé le poste de DNP de Kevin Knox tout par le sien. Donc c'est clair que beaucoup se sont posé des questions. Alors il n'était pas tout à fait en forme au début, puis après Thibodeau a rapidement indiqué qu'il le voyait pas forcément dans la rotation, savoir comment l'intégrer. C'est ça. Puis après quand il a eu quelques minutes, il s'est blessé, il s'est disloqué l'épaule. Donc sur la fin de saison c'est dommage, mais les opportunités qu'il aurait pu avoir il les a pas montrées. Et lui aussi il arrive en fin de contrat. Comme RJ Barrett, il est de la même promotion, il n'a pas été prolongé pour l'instant. On a laissé filer un tour de draft, un first pick à Atlanta pour pouvoir mettre la main dessus, mais pour l'instant, on s'en est pas servi. Donc là-dessus, c'est pareil, ça fait partie des énigmes, des interrogations, des décisions à prendre. Qu'est-ce qu'on fait de Cam Reddish, quoi ? On pensait qu'il pourrait partir dans un trade, c'est pas le cas. Donc si à la rentrée, il est là, à la reprise, il est là... on va pas pouvoir le laisser en 13e homme dans le roster, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. Moi je l'attends clairement. Pourquoi ? Parce que en plus derrière, je laisse à Evan Fournier cette opportunité de briller dans la seconde unit. Je m'explique parce que pour moi, Fournier, il est bien au Knicks, mais tu vois, le mordant qu'on avait en équipe de France ou son caractère, on l'a pas vu au Knicks. Et moi, ça m'a clairement déçu. Et bon, il y a eu cette brouille avec Randle et tout ça, machin. Mais quand je voulais le voir au Knicks, notre ami Evan Fournier, je voulais voir du caractère. Un mec qui les pose, un mec qui drive l'équipe, un mec qui gueule, un mec qui parle, un mec qui est là, quoi. Un petit peu le Evan Fournier du Orlando Magic. Et oui, dans la continuité, du moins. Et je me dis, écoute, si c'est pas le faire en première équipe, il va le faire en seconde unité. Et c'est pas lui faire offense, clairement, parce que la seconde unité, pour moi, elle est aussi importante que la première. Et donc voilà, donc après avoir à répartir en termes de temps de jeu, comment ça se passe. Mais voilà ma visu pour ce poste 3. Et du coup, voilà. Tu penses pas que Evan Fournier en seconde unit, au regard de son contrat, C'est pas quelque chose qui peut poser problème, entre guillemets, d'avoir signé un joueur pour le mettre dans la seconde unité C'est à un New niveau de York. contrat aussi élevé, quoi. C'est New York. On est comme ça, on surpaye, on est bien. Ouais. Non, franchement, je n'aurais aucun problème avec ça parce que si je sais que c'est une valeur sûre, sincèrement, puis Evan, excuse-moi, bon, il a fait un petit peu son temps, c'est pas qu'il est sur la fin, mais bon, le gars, il est en Bon, match. il approche de la trentaine, c'est un vétéran, il a En encore des choses à NBA, donner, non, des choses mais à donner à New York et en NBA, on est c'est d'accord, il n'est pas mérité. rincé, mais. Enfin, c'est mérité. Ouais. C'était un peu un vol pour moi déjà, ne serait-ce que l'année dernière. Mais c'est 17 millions là. Mais c'est comme ça, écoute, c'est la loi du marché. On l'a signé, on l'a pris. Bon, bah, maintenant, il faut voir ce qui vaut. On a vu ce qui valait. Et puis, du coup, on l'a enfermé à 3 points. Mais je pense qu'on l'a enfermé à 3 points parce qu'il y avait déjà des forces en présence. Alors, force légitime, on pourra en redébattre. J'ai aucun problème là-dessus, moi non plus. Mais voilà, moi je lui donne un rôle, je lui dis bah écoute, vas-y, t'es le patron, la seconde unité, donc vas-y, éclate-toi, fais ce que tu sais faire, et montre-nous, voilà. Mais c'est pas lui faire offense, hein, attention, hein. Moi je tiens vraiment à être clair C'est là-dessus. pas du bashing, c'est pas le sanctionner que de le mettre en seconde unité, Ah c'est plus non, pour son bien. C'est pour ton bien, c'est... Ivan. Ouais, non mais clairement, bah, oh, Ok. il comprendra. Ok. Et donc pour finir sur ton starting 5, donc RJ Barrett en Ah. 4 et Julius Randle en 5, donc on a une paire de gauchers à l'intérieur. Bien sûr. Explique-nous ça rapidement. Après, on va passer sur ta version alternative et sur ta seconde unité pour savoir qui fait partie de ta seconde unité. Mais Ouais, explique-nous cette paire d'intérieur curieuse. ben alors c'est principalement axé à rapport à la défense déjà. Puis on a vu Barrett meilleur driver que meilleur shooter, hein, parce qu'il faut pas oublier que Barrett de base c'est un 2, qu'on bascule 3, et bon on a vu Est-ce l'année que toi dernière tu serais prêt à basculer 4? en défense. Ah ben quitte à expérimenter, autant le faire jusqu'au bout. Je veux dire, après, il a un bon physique, bon, il est peut-être un peu petit, mais bon, il a les Mais muscles costaud. pour loquer. Ouais, mais clairement, il a les muscles pour loquer et il a les muscles pour driver à l'intérieur en poste 4. Alors après, ce sera peut-être un même limite d'un 4 fuyant. Moi, pareil, il y aura des mismatchs où, ouais, effectivement, il aura pas le dessus sur KP, hein, bien évidemment. Mais il lui met 2-3 pas dans la tête et puis KP, bah écoute, il se retrouve avec le genou en vrac et puis on en profite. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose à travailler parce que Barrett, c'est vraiment pour nous notre force où le mec, il est super complet. Donc je me dis, s'il est super complet, il peut jouer partout ou limite partout. Et moi, j'ai un problème au Knicks depuis 3 ans. Je dis qu'il y a trop de postes 1, 2, 3. À un moment donné, il faut trancher, il faut essayer des choses, il faut les assumer. Et je pense que Barrett, ça peut être le cas. Et je te dis, moi je le vois vraiment gérer ce poste 4. Ok, dites-nous en commentaire si vous pensez que Barrett peut évoluer au poste 4. Moi j'avoue, je suis pas convaincu Il peut le des faire, il peut le arguments. Je les faire. ai entendus, mais, je suis pas convaincu. Après, Julius Randle en poste de pivot, c'est un intérieur, il peut passer 4 à 5, pourquoi pas, ça va dépendre des mismatchs, mais voilà. Effectivement, si on le retrouve un peu plus scoreur proche du panier, plutôt que prendre une tonne de shoot à 3 points, Un même si Randle, c'est c'est en clairement mettre. ça. Randle, Voilà, c'est clairement mais ça. sur des compositions, sur des modes small ball, face à un Draymond Green par exemple aux Warriors, ça peut s'entendre. Sur d'autres pivots, type un Joel Embiid, même si Randle est costaud et voilà, pour l'instant il n'est pas dans une attitude très très défensive, hein, on va dire ça comme ça. Mais sur certains match-ups, ça pourrait s'entendre. Après, de là le voir titulaire, Moi, c'est dans ton starting five Ah, c'est dans mon esprit. expérimental. Dans mon esprit Expérimental. tordu, je l'assume totalement. Mais Randle, moi je me dis l'année dernière, bon ben voilà, il a fait du Randle. Et comme je vous dis, moi j'ai même tous ceux qui me suivent et enfin tous ceux qu'on se suit, on se suit tous de toute façon. Je dis depuis le début que Randle c'est un gros fail. Donc il a fait sa saison de sa vie pour avoir son contrat. Maintenant, ben, c'est Randle, tu vois. Et je peux pas lui en vouloir. C'est comme ça, c'est pareil. C'est la loi du marché, c'est la loi des trucs. Mais l'année dernière, il est resté comme ça. Il n'y a pas eu de step-up, il n'y a pas eu de mentality, il n'y a pas eu de up là-dedans. Et moi, je me dis, ben, écoute, c'est simple. Vu que tu changes pas, ah, ben, c'est le jeu qui va te changer. Donc, tu vas te rapprocher du panier. Peut-être que ça va rentrer plus. Et puis, ben, tant mieux pour nous. Après, effectivement, il y aura peut-être des carences, mais il faut pas oublier que notre poste 5, c'est notre poste faible. Parce que quand t'as Robinson qui se prend 6 fautes au bout de 6 minutes, je pense que ça n'a pas changé. Que t'as Petite tacle un... à Mitch. Ah ouais, non, mais gratuit, mais assumé, hein. Que t'as un Sims en progression. On va le voir dans la seconde unité, peut-être. Alors, vas-y, on va basculer sur ta team possible. Parce que là, tu étais dans l'expérimental. Moi, je suis pas persuadé que Tom Thibodeau il soit autant dans l'expérimentation. Ça faisait beaucoup d'expérimentation au sein d'un même starting five. On peut s'attendre à des surprises, mais autant, je ne sais pas. Là, sur ta team, possible. Ouais. En plus, le 5 que tu pressens, donc tu nous mets du Jalen Brunson en meneur, Evan Fournier en poste d'arrière, RG en poste 3, Julius en 4 et... Bah non, c'est pas Mitchell Robinson qu'on l'a prolongé, c'est plutôt cette touffe de Jericho Sims qu'on voit en poste 5. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit coup de hater oui, vis à vis de Mitch? Totalement. Non, mais là, c'est la team possible pour moi selon Tibbs, donc forcément, tu peux mettre Robinson. Mais là, c'est un truc mainstream. Moi, ça me décevrait qu'on ait ce 5-là. Parce que clairement, ça ne voudrait pas dire que finalement, on n'évolue pas. En dehors de Brunson, il n'y a pas vraiment de changement. Ouais, à l'année dernière, et je suis désolé, l'année dernière, pour moi, ça reste une déception. Donc, si en l'état, il y a ce 5-là, en plus avec Robinson, pour moi, je serais déjà déçu. Voilà, mais après, je ne vais pas faire les arguments. Parce que il va falloir y préparer, hein, parce que je pense que Robinson, il va être starter. Hein. On va présenter ton 5 à toi, je pense qu'on n'est pas trop loin de la chose. Hein. Alors avant de parler des 5, on finit juste avec tes propositions. Bon, vous verrez, moi je suis un peu plus classique sur le coup, mais et ta seconde unit, donc du coup, parce qu'on a beaucoup de joueurs, il y en a certains qui auront peut-être des rôles encore plus loin dans la rotation, mais sur ta seconde unit, alors en fonction de où on retrouve Evan Fournier, mais donc tu aurais plutôt du Derrick Rose, Evan Fournier, Quentin Grimes, Obi Toppin, et donc Mitchell Robinson, puisque toi tu le veux pas starter. Ah non, je le veux pas starter, il est incapable de starter, je suis désolé, pour moi c'est pas possible. Après là, pour ce coup-là, Evan Fournier, donc soit poste 2, soit poste 3, peu importe, pour moi ça va être le leader de la seconde unit. Et puis je sais pas, ça peut être intéressant avec un Quentin Grimes qu'on a vu émerger au fil du temps, valeur sûre à l'extérieur, donc ça pourrait redonner à Evan Fournier ses envies d'être multitâche et multipasse. Derrick Rose, s'il est en forme, en sixième homme, même meneur de seconde unit, pour moi ça me va mais totalement. Toppin, je reste un éternel déçu, mais il y a eu quand même de la progression l'année dernière, je suis obligé de l'avouer. Donc tant mieux, on a vu qu'il faisait autre chose que sauter. Et puis Mitchell Robinson, voilà, et bien, il a sa place dans la seconde unit totalement. Voilà, il a ses 10 minutes, il fait ses 6 fautes. Merci, au revoir, circuler, il y a rien à voir, il fait sa dissuasion. On en profite, c'est très bien. Et voilà pour moi l'équipe ultime, selon ma sauce, bien évidemment, qui porte à débat, qui prête à débat. Donc soit je suis visionnaire, soit je suis un boulet, il n'y a pas d'entre-deux chez moi. Donc on verra bien comment va se passer la saison. Mais honnêtement, si moi, Tibbs, il tente des trucs comme ça, je dirais, déjà, on a un coach. Et puis quand même, on a des joueurs, quoi. Parce que là, la seconde unit, moi, je la trouve. Il y a des joueurs. Il y a des joueurs. Je la trouve pas mal. Hein. Les Knicks sont souvent l'objet de trolls. Alors moi, je vais vous présenter mes compositions. On est dans quelque chose de plus classique, plus mainstream vis-à-vis de la starting five, du starting lineup. C'est pas grave, t'as le droit. C'est pas grave. Après aussi, j'ai eu l'occasion de m'en parler. Mais donc voilà, moi, je vois plutôt un backcourt Jalen Brunson, Evan Fournier, RJ Barrett en poste 3, Randle et Mitchell Robinson. Quelque chose d'assez classique. Alors oui, j'aime beaucoup Quentin Grimes, mais je pense plus que Evan va démarrer les matchs, pas forcément les finir, mais les démarrer, à voir si ça c'est valable pour le début de la saison, et est-ce que en courant de saison, Grimes arrive à révolutionner tout ça. Quickly, je sais pas, je sais pas s'il peut venir se glisser sur ce poste 2, je pense que vraiment les discussions sont autour de ce poste 2, mais tout va dépendre aussi de l'état de forme dans lequel on va retrouver Evan Fournier au training camp, mais voilà, moi je partirai sur ça. Après, c'est voilà, plus mainstream, plus classique, moins expérimental. Et pour ma seconde unit, moi, je suis un peu différent de ce que tu as pu proposer. Donc, du coup, moi, je vois plutôt du Emmanuel Quickley en rôle de meneur backup, voilà, dans un registre différent, un peu plus grand aussi. Quentin Grimes, donc, en poste 2. Cam Reddish, en poste 3, parce que lui, il va falloir l'essayer, le tester, pour savoir ce qu'on en fait. Obi Toppin en poste 4, remplaçant de Randle, alors en espérant qu'il ait un peu plus de minutes, pour qu'il puisse montrer des choses, que voilà, le temps de jeu soit un peu plus mieux distribué entre Randle et Toppin. Et puis, en poste 5, moi, je vois pas du Jericho Sim, je vois plutôt du Isaiah Hartenstein, qu'on a signé cet été en mode free agent, qui a un profil différent, un peu plus passeur et tout, qui peut un peu shooter aussi. Donc avec cette seconde unit, je me dis que voilà, pas forcément mettre un Jericho Sims qui est plutôt une sorte de jumeau avec l'afro de Mitch Robinson, mais un profil de pivot différent et je vois plutôt la hiérarchie dans ce sens-là, au niveau de la rotation sur le poste 5, avec un Jericho Sims encore troisième rotation, ça va dépendre des blessures, ça va dépendre de plein de choses. Il aura du temps de jeu à un moment dans la saison, mais voilà, le backup pour moi de Mitch Robinson, je verrais plutôt Isaiah Hartenstein. Et donc, moi, dans ma seconde unit, on ne voit pas de Derrick Rose. Aïe, alors est-ce que Derrick Rose il est prêt à jouer, semble-t-il, il est revenu bien préparé physiquement, mais est-ce qu'on compte vraiment sur Derrick Rose tout le long de la saison, est-ce qu'on peut compter sur Derrick Rose sur une soixantaine de matchs, est-ce que Derrick Rose, ok, il a ce rôle de mentor et tout, il vaut pas mieux le garder un petit peu plus frais pour la fin de saison s'il y a besoin, et puis laisser justement du temps de jeu à du Quickley. Si Quickley on le met pas dans le starting 5, si tu lui files plutôt la priorité à Derrick Rose, c'est pas Quickley que tu responsabilises plus, quoi. Et est-ce que c'est dans ce cas-là Quentin Grimes que tu rétrogrades? Ça a pas l'air d'être non plus, voilà, Quentin Grimes, Quickley, ça a l'air d'être les petits jeunes qui ont la cote en ce moment. Obi Toppin aussi, il se murmurerait que son rôle serait vu un peu à la hausse. Leur fin de saison plutôt belle statistiquement parlant leur donne raison. Et puis quoi, Reddish, qu'est-ce qu'on fait? Si on le teste pas là, on le testera jamais, et donc il faut le trade au plus vite, quoi. Donc voilà, moi ça serait ma proposition de première rotation. N'hésitez pas à réagir en commentaire aussi, hein. On aime un petit peu maintenir le débat au-delà des vidéos, mais voilà ma proposition. C'est entendable, alors, honnêtement, c'est honnête, hein, ce que tu proposes, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, a été dur envers Sims quand même, parce que il avait montré du cœur, en tout cas. Moi, c'est non, vraiment ce que j'ai retenu. Et pour j'ai ça, rien il contre mérite, Sims, il aura son temps, mais c'est encore un peu trop tôt, quoi. Et c'est Rose, trop tôt, Rose ouais, tu restes trop sur l'année dernière où on a tous été en frustration de fou parce qu'on attendait un Derrick Rose en mode comeback. Il a été un élément, une sorte de facteur X sur la saison d'avant, quand on retrouve les playoffs. Et puis, bah, l'année dernière, entre guillemets, il est retombé dans ses travers. Et c'est pas l'accabler, c'est juste la santé qui n'a pas suivi. Et malheureusement, quand on regarde la carrière de Derrick Rose, ça fait bien longtemps qu'il ne fait plus des saisons complètes. Alors, on n'attend pas 80 matchs, mais même une soixantaine. Donc, tu vois, louper une vingtaine de matchs, c'est quand même conséquent. C'est du garanti, quoi. Donc, sur un rôle de sixième homme ou de meneur de la seconde unit, c'est quand même assez structurant, important. Et je préfère compter sur des joueurs qui sont disponibles, qui vont pouvoir répondre présent soir après soir. Ouais, bah c'est voilà sûr, le pourquoi. Derrière, on est pas devant. Après, son contrat était peut-être un peu surévalué à Derrick Rose. Je pense qu'il pourrait intéresser des équipes contenders en courant de saison. Et c'est pas impossible, improbable qu'on ne le retrouve pas au moment de la trade deadline. Après, il y a un lien affectif avec Thibodeau et ça va être compliqué de couper ce cordon, sachant qu'il a déjà perdu Burks, sachant qu'il a déjà perdu Taj Gibson. Oui, il a signé où? C'est pas aux Sixers? Non, aux Sixers. Non, au Pistons. Taj Gibson ouais. Au Washington Wizards. Donc on va le retrouver en match de pré-saison aussi. Très bien, j'ai suivi tous les trades. C'est parfait. S'il joue. Et avec tout ça, avec ces effectifs, ces rotations compliquées, bah, se pose la question un petit peu de où on va retrouver l'Enix à la fin de saison, quoi. Où est-ce qu'on projette l'Enix? Alors là, on vous affiche le classement de la saison dernière, l'arrivée, la photo finish de la saison 2022. Et donc, voilà, l'Enix, malheureusement, en 11e position derrière les Charlotte Hornets, avec l'Enix, un bilan de 37 victoires, 45 défaites. Alors quand on regarde rapidement, on ne va pas faire la revue de toutes les équipes, pour ça, vous irez voir HBA. Bien sûr. je l'ai bien dit. Tu auras l'occasion de faire la preview de toutes les équipes. Ici, on va sur l'Enix. Il y a déjà beaucoup de choses à dire. Mais donc, quand on regarde un petit peu toutes ces équipes qui étaient devant, certaines vont se maintenir devant, certaines ont des histoires un petit peu bizarres, un peu douteuses avec des coachs. Je pense à Boston. Certaines ont des histoires un petit peu douteuses avec certains joueurs stars. Je pense à Brooklyn. Certaines ont recruté par des trades. Je pense à Cleveland. Bon, voilà, il y avait quand même pas mal d'équipes devant nous. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de remonter un petit peu dans le classement à la fin de la saison? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'être un peu plus compétitif? Est-ce qu'on ne pourrait pas jouer une 10e place, voire, je sais pas, une 9e, une 8e? Toi, comment tu vois la chose de façon assez succincte? Comment tu pressens cette saison au niveau de la compétitivité d'Enix? On pourrait les retrouver. Dans l'état, si on fait mes 5, on est troisième, facile. Non, non, mais sur un malentendu, un gros malentendu. En vrai, ce que tu dis, c'est clairement pas faux. La ligue, elle a quand même un peu bougé. Il n'y a pas eu des moves de fou, mais c'est plus des faits extra-sportifs qui font que il y a certaines équipes, effectivement, qui vont, pour moi, descendre fort. T'as pas parlé des Hornets, mais les Hornets, ils ont beaucoup de problèmes à gérer. Les Hornets terminent dixième et ils ont eu du mal sur la fin de saison. Ils loupent les playoffs, si je dis pas de Et les bêtises. histoires, les histoires Bah, Miles Bridges, quoi. On va pas tourner autour du pot. De Donc, du détente, coup. même Montrezl hein, donc pareil, Et y a, Montrezl aussi, ouais. ça te fait ça pour moi déjà. Les Hornets, c'est rédhibitoire, déjà ça va en dessous, donc effectivement, on peut gratter une place après derrière. Bon, les Pacers, bah, ça va tanker, donc il n'y a pas spécialement de risque là-dessus. Les Pistons, il va falloir être très très attentif parce que pour moi, ils en ont vraiment sous le pied et ça peut déjà commencer cette année. C'est jeune encore, c'est jeune. Ouais, Mais ils auront envie de mais. progresser, ils auront Ouais. envie de progresser, mais est-ce qu'ils seront en capacité d'eux? Ça, c'est autre chose. Et après, les équipes au-dessus, là, bon, Boston, ils vont peut-être redescendre, mais je les vois pas en dessous de nous, je suis désolé. Non, pas, enfin, Les Cavs, ils vont ils ont fini monter. en, la saison en boulet de canon, finir finaliste, ça donne de la confiance. Après, la situation du coach interroge forcément. Ça va, est-ce que ça aura un contre-coup ou pas? Mais oui, on les voit au-dessus, même si on les a tapés l'année dernière à l'occasion de deux fois. Bon. Là, moi, clairement, en l'état, je vois les Hornets passer en dessous et être en fight avec les Wizards et les Pistons pour une 10e, 11e place. Et on terminerait avec un bilan, vas-y, je l'annonce, boum, Prenez note, 40, prenez note. 42-40. C'est totalement expectatif hein, ce que je balance comme ça. Et après le contenu de la saison, j'espère qu'on sera constant, qu'on fera pas donc les montagnes russes, c'est-à-dire mal commencer ou trop bien commencer, et puis en décembre, ben on switch, donc soit en mal. Ça me dérangerait. Moi, je voudrais vraiment qu'on ait une continuité et qu'on développe vraiment un collectif et qu'il soit rigoureux tout au long de l'année. Et honnêtement, on a le potentiel pour faire partie des quand même ouais, des 8, 9 faciles. Tu vois, parce que la quatrième place, enfin, il y a 2 ans, putain, je suis encore en l'année. C'était en faux semblant. Ouais. Je suis dans mon rêve là. C'était un faux semblant. Et alors, par contre, l'année dernière, c'était un faux semblant dans l'autre sens. Je pense qu'il y a un juste milieu, mais qu'on arrivera à choper d'ici 2 ans en mode sûr. Mais potentiellement, l'équipe, elle est bonne. Enfin, si tout est bien, on peut ouais, taper une 6e place limite, tu vois. Mais je ne vois pas dans cette optique-là. Et parce qu'il y a d'autres concurrents qui vont s'affirmer, mais n'empêche, la ligue, elle a bougé. Et puis il y a toujours une surprise, tu sais, qui vient comme ça. Tu vois, typiquement, les Cavs de l'année dernière, on les attendait pas aussi haut. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Et donc voilà mon avis sur la saison et sur la fin, sur la fin de saison même de l'année prochaine. Je me projette carrément là, je vois ça là. Va falloir assumer, monsieur. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, de cette idée? Je pense qu'on a le même avis sur la place. Après, en termes de contenu et de qui va prendre le dessus dans la conf, dis-moi ce que tu en penses, toi. Ouais, on a quelques petits problèmes techniques là sur la vidéo, mais c'est pas grave, c'est ma tête qui est figée. Vous allez Oh. toujours m'entendre, ça c'est pas un problème pour une fois. Mais ouais, pour faire très court sur la façon dont je pressens aussi la lutte. Pour les places d'honneur et des strapontins ou pas de playoffs. Effectivement, moi je vois plutôt que les Hornets risquent de rétrograder et du coup que les Knicks reviennent à la lutte. Alors peut-être qu'on pourrait être à la lutte aussi avec les Atlanta Hawks. Hein, moi je sais pas que j'ai une dent contre les Hawks, mais attention de voir si la mayonnaise prend bien avec Dejounte Murray et Trae Young. C'est pas une équipe qui défendait beaucoup, donc ils ont mal démarré leur saison dernière et ils ont eu du mal après à rattraper ce retard. Mais voilà, moi je pense qu'on va être à la lutte, on va dire entre 8 et 11, 8 et 10. C'est ce que j'aimerais, en tout cas, qu'on soit un candidat sérieux pour une place en play-in. Et puis après, on verra ce qu'il en est pour les playoffs. Et puis, il y a souvent des équipes qui ont des blessures, qui ont des choses dans la saison. Donc, comme tu l'as dit, il va falloir montrer de la constance, de la régularité. On ne gagnera pas tous nos matchs, ça c'est certain. Il va falloir gagner des équipes qu'on pressent derrière, comme des Pacers, des Magic, des compagnies, des Pistons pour moi aussi. Donc, moi, je me vois plutôt dans une lutte avec Hawks, Peut-être Bulls, à voir si les Bulls, ça ah oui. fait deux saisons aussi bonnes. À voir, Lonzo Ball est toujours pas sur le retour, à voir. Ouais, ouais. Voilà, c'est plus dans ce range-là. La conférence est dense et compétitive, mais ouais, je nous vois à la lutte sur ces places 8, 9, 10, une place en play-in, quoi. Et ouais, ma caméra est figée, mais c'est pas grave. Moi, ça va être, pour moi, c'est limite play-in et on les accroche en mode freestyle si on les chope. Mais moi, je nous vois vraiment un cran en dessous des équipes comme les Bulls ou les Hawks, hein, parce que eux, au moins, ils ont des valeurs sûres. Tu vois ce que je veux dire? Après, les Bulls, ça reste une équipe de. Les Bulls, tu vois, ils font quand même des choses. Ils n'avaient pas leur, ils n'avaient pas Caruso, ils avaient Nibol. Hein. Oui, non, ils ont fait une très belle saison dans un contexte compliqué. Après, il y a des équipes qui pour qui ça réussit bien une saison et qui ne confirment pas derrière. La preuve pour les Knicks, la preuve pour les Hawks. Donc, c'est pas parce que les équipes ont terminé plus haut, on s'est renforcé, il faut le dire. On s'est renforcé sur le poste 1. Les joueurs progressent aussi, hein, RJ Barrett aussi. Donc, à voir, mais j'ai envie d'être confiant en ce début de saison et nous voir plutôt à la lutte avec ces équipes-là plutôt qu'à la lutte avec les équipes qui sont censées être derrière et qui sont censées tanker. Moi, c'est mon côté négatif, c'est bien. Il faut, au moins en début de saison, on essaye d'être positif, quoi. On essaye d'être positif. Essaye. Écoute, on a évoqué pas mal de choses dans cette vidéo. Et puis, il me semble qu'on avait une grosse annonce à faire. Donc là, je pense que ça va être l'heure. Hein. Ça va être l'heure de la grosse annonce. Hein. Demande ton balance ou on balance pas. Allez, j'espère que ma caméra va pas figer de partout, sinon ça va faire flop. Mais voilà, je pense que c'est l'heure de la grosse annonce. Attention, messieurs, dames, tenez-vous prêts. Attention, please, attention, please. This here feels like the whole entire world collapsed. Et ben voilà, c'était ça la grosse annonce, la rentrée, la reprise, les événements KNF, et puis quand on parle d'événements KNF, c'est l'événement KNF. Ça faisait longtemps, malheureusement, avec ces fichues histoires de pandémie qu'on n'avait pas pu le faire. Et ben voilà, le KNF Mechatrip est de retour. Oui, messieurs, mesdames, KNF Mechatrip, vous avez le flyer, vous avez les dates, vous avez les infos, vous avez l'affiche, les affiches. New York Knicks contre Miami Heat, c'est quand même pas dégueu. New York Knicks contre Los Angeles Clippers, c'est pas dégueu non plus. Tout ça dans la Mec, dans le Madison Square Garden. Que dire, si ce n'est que c'est l'événement incontournable de l'association. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas pu le faire à cause de la pandémie. On est enfin de retour grâce à nos partenaires voyage. Et puis en fait, c'est bien un KNF Mechatrip. C'est bien de pouvoir proposer ça à nos adhérents. Mais cette année, pour le retour de KNF sur le sol américain, On fait pas que ça parce que en plus, qu'est-ce qu'on a à vous proposer? Un KNF road trip. Oui, messieurs, mesdames, l'affiche, elle est belle. La destination, elle est belle. C'est quoi? C'est Los Angeles. C'est le California Love Trip. Pop. Si vous avez envie d'aller voir les New York Knicks, RJ Barrett aller dunker sur la tête de Anthony Davis, Russell Westbrook, et puis un certain LeBron James, voilà. King, le joueur préféré d'Alex, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Certains le considèrent comme le GOAT. Ben voilà, ça sera avec KNF. On se dirige à Los Angeles, début du mois de mars, enfin mi-mars. Vous avez toutes les informations sur le flyer, il y aura toutes les informations sur le site web, il y aura les informations sur les réseaux sociaux. Donc cette année, c'est pas un, mais enfin un, deux, j'aurais pu avec mes doigts là, tellement je suis 8. Ému par ça. C'est 8 voyages, non, c'est pas 8 voyages, c'est 4 matchs. Et donc pour le derby, enfin pour le voyage à Los Angeles, bah, on aura les Clippers et les Lakers. Donc là, normalement, on est bien, quoi. On est bien, on va pouvoir se remettre à aller supporter les Knicks comme il faut, où il faut. Et puis, voilà, deux salles, deux ambiances. le Madison Square Garden qu'on connaît, que certains vont découvrir peut-être pour la première fois, certains vont revenir pour découvrir les joies du Madison Square Garden, de Big Apple, de toute l'effervescence qu'il y a dans cette salle. Et puis pour ceux qui ont envie de voir autre chose, de découvrir autre chose, de changer un petit peu, pourquoi pas aller à Los Angeles, à la Crypto.com Arena. C'est le nouveau nom, c'est plus le Staples Center, mais ça reste la même salle. Voilà, amoureux de NFT, pourquoi pas, venez nous rejoindre, mais surtout amoureux de basket, j'ai envie de dire. Là, on est sur deux belles affiches aussi, sur deux destinations plutôt sympathiques. Donc, retour de KNF sur le sol américain, c'est pas un, mais deux voyages. Not one, not two. Enfin, not one, not two, not three, ça c'était le délire de LeBron. On va faire un peu pareil, à savoir que la KNF, elle se déplace aux États-Unis pour deux voyages. Donc, au choix, si vous voulez venir sur les deux, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez venir sur l'un ou l'autre, vous avez le choix. Après, les places sont limitées, les amis. Parce que là, ça va partir assez vite. Les tarifs, on a essayé d'avoir les tarifs qu'on pouvait les plus compétitifs possibles. C'est pas évident parce que vous savez, il y a les histoires de l'euro, dollar et compagnie. On a travaillé pendant des semaines avec nos différents partenaires, donc GetOne et SportUS Travel, pour pouvoir vous offrir et vous proposer ces belles destinations, ces beaux voyages. Donc maintenant, allez-y, foncez, on vous attend. Les places sont limitées. Il faut pas perdre de temps. Donc voilà, tous les détails sont sur le site web, sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, c'était la grosse annonce que j'avais envie de vous faire. Incroyable. Pour la reprise, on aura d'autres événements qui vont venir. Mais ça, c'est les événements majeurs, quoi. Alex, t'en as fait des mécatrips. Parce que pour l'instant, on a fait surtout... Tu les as tous faits, tu les as tous sur ton passeport. Sur ton. sur le passeport, il y a un petit truc, il y a un petit tampon KNF. T'as carrément un tampon KNF, donc ça, bravo, félicitations à toi. Et donc là, voilà, deux retours qui, j'espère, vous donnent envie, et puis des affiches quand même plutôt sympas. J'espère que les Knicks seront compétitifs, et c'est pour ça que j'ai envie de croire en Onyx aussi, pour pas qu'on soit en mode tanking au mois de mars. Ça serait dommage, mais ouais, de toute après, façon, voilà, ça sera une expérience très sympa à vivre. Los Angeles, il est incroyable, Los Angeles. Bon, forcément, à domicile, c'est toujours bien. Après, c'est moi, je parle incroyable, personnel. Incroyable. Et ouais, bien sûr, moi, je vous certifie, pour les ayant tous fait, je vous certifie que c'est du Cali, hein, bien évidemment, que leur gars, elle est au top. Et je survends pas le truc, hein, vraiment. C'est trop bien. Et là, l'alternative extérieure, mais c'est juste incroyable. Après, bon. Voilà, on avait envie de pouvoir proposer aux gens, voilà, bravo. Quelque chose un peu nouveau aussi. Bravo. Et puis, c'est au choix. Vous voyez les deux affiches. Maintenant, il n'y a plus qu'à se décider, hein. Convaincre mari, femme, enfant, tout ça. Allez, qui c'est qu'on emmène? On fait les passeports, clac, clac, et puis on fonce, quoi. Donc, les places sont limitées. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Hein. On aimerait bien emmener tout le monde, mais voilà. Les avions ont une certaine capacité. Et puis, les encadrants KNF aussi. Mais voilà, en tout cas, on souhaitait vous proposer un retour de la bonne façon sur le sol américain. Les deux voyages sont connus. Maintenant, il n'y a plus qu'à vous de vous décider pour savoir lequel va remporter le choix de votre cœur sur ces destinations. Et puis, si vous avez gagné l'auto, pourquoi pas partir sur les deux, hein. Voilà, en tout cas, je voulais terminer sur une bonne note. C'était la grosse annonce qu'on voulait vous faire. En tout cas, nous, on est hyper hypés. Et puis, il va y avoir d'autres événements. Les viewing parties, ça va revenir. Bon, pour ça, il faut que les Knicks jouent et sur des heures décentes. Les One Ball Hoops Factory, on va essayer de vous programmer ça aussi. Donc il y aura de toute façon le retour de la KNF comme il faut pour cette saison 2022-23. Et on espère que les Knickerbockers seront aussi bons sur le terrain que nous, on essaiera de vous proposer des événements de qualité. Voilà, c'était le petit mot de la fin pour cette preview. On vous donne rendez-vous très bientôt sur KNF TV. Je te remercie, Alex, de m'avoir accompagné sur tes pistes de preview. Plus l'heure passe dans l'enregistrement, plus tu es dans le noir. Ouais, ouais, c'est ce que je me dis, j'ai des soucis de luminosité. Ça fait une ambiance tamisée, c'est pas grave. T'es toujours là, t'es toujours avec nous, je te remercie. Et puis, on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Et puis, pour la suite des previews de la NBA, ça sera sur HBA. C'est pas HBO, c'est HBA, c'est encore mieux. Merci. Ouais, voilà. On essaye. On va commencer là, donc forcément, on va faire ça peut-être en condensé, hein, pas comme Trash Talk ou d'autres médias mainstream. Nous, on va à l'essentiel et puis on va essayer de tout faire. En tout cas, là, la page Knicks a été abordée et surabordée. Donc merci. Merci à toi. Merci à la KNF, bien évidemment. Vous êtes toujours là pour proposer du contenu, que ce soit réel, virtuel, visuel, magnifique. franchement, c'est un régal de partager avec vous, ouais, peu importe les... Non, mais peu importe les formats. Moi, vous savez, je suis là depuis le début et je n'en démords pas, je serai là jusqu'à la fin. Mais trop bien, trop bien. Et vous assurez plus cœur que... avec les doigts, cœur avec les doigts. Ouais, mettez non, un like, mettez un like. Là, voilà, comme ça. Mais non, franchement, vous assurez plus que l'équipe en elle-même. Donc, bravo et merci, franchement. Vous êtes les premiers, les pionniers et les plus forts à ce jeu-là. Plus le temps passe et plus c'est un plaisir encore. Et puis bah, je salue tout le monde, hein. Le board et puis tous les proches. Et puis hâte de vous revoir sur un event en réel parce que c'est ça qui vient encore plus. Et que c'est l'ADN de l'association et on a à cœur de le faire perdurer. Peu importe les avis, vous voyez, moi je suis le méchant de la bande, celui qui est la hate facile. Chacun remplit son rôle et on se marre bien et franchement hâte de vous revoir tous. Et puis bah, merci KNF, tout simplement. Merci à toi. Et puis maintenant, moi j'ai envie de dire, let's go Knicks. Bah ouais. Hein. Let's go Knicks. Ciao ciao.